en dépit de ce qui s'approche. Qu'entre nous il soit dit de s'arrêter. On regarde tous les reproches. À l'établi, métro normé, état de considération spirituelle immédiatement, oui, sans plus tarder. Dès la sillon providentielle, à l'établi, métro normé, état de grâce invétéré, ce moratoire inachevé est provisoire et différé. Attendre de ces lendemains du calendrier perpétuel, le point de non-retour enfin atteint, élévation intemporelle. Et différer.